San Francisco, il est vert devant et rouge dans le dos. Mon cousin Pablo m'en a fait cadeau. Un jour que le vin lui collait chaud, mon petit perroquet chante tous les matins. Il joue au yo-yo et fait couler mon vin. Comment ça va? Pas mal et toi? Ça irait mieux si le ciel était bleu. Et Dorothée et Isabelle, depuis hier, comment vont-elles? Mon petit perroquet adore le banjo. C'est lui qui répond au téléphone. Allô, qui c'est? Allô, qui c'est? Vous êtes en